Une, deux, trois, quatre. Au-dessus des nuages, la liberté semble être infinie. Toutes nos craintes et nos peines sont ensevelies sous l'horizon. Et tout ce qui nous accable et confond s'y allège et s'éclaircit. Yeah.